Ouais. J'ai l'allure d'un gangster, pourtant tu peux me voir en costard. Les bavures d'un homme car qui pensait se couche tard. Les rêves de gosse quand j'étais petit auxquels je pensais. Regarde, je suis devenu intense, maintenant je reste perché. 20 piges dans le col, barre des rimes conscientes dans mon rap de la fin. Sous les pieds, écoute mon handicap. Je ne peux m'intégrer dans votre monde de yinche. Je ne recherche pas le prestige, ni finir comme un prince. La musique c'est mon prodige, c'est une chance, je ne peux la quitter. Comme la souffrance de mes conneries dont on m'a acquitté. Je ne suis pas du genre à me plaindre, je sais que j'ai commis des plaintes. Donc je crains pour ma peau et pour mon pain. J'suis dopé d'acide, ex-dopé au shit. J'fais une pause, j'm'arrache vite, vite. Ou je pars en transit. Ferme ta gueule ici, j't'éclate, vas-y, prends la case, exit. M'amène sauce à nos six, c'est nos rap qu'on te prescrit. Je ne suis pas ce que tu crois, je suis bien pire que ça. Un jeune de 20 piges qui exprime son désarroi. Un stylo, une feuille, voilà de quoi bouger quelques têtes. Des rimes, un flow, voilà de quoi faire danser les caisses claires. Je ne suis pas ce que tu crois, je suis bien pire que ça. Un jeune de 20 piges qui exprime son désarroi. Appelle-moi, m'amène sur ça. Un jeune intensif, on dégage tout ce qu'on a. C'est une nocive. Alors je te parle frère, j'ai le mal de vivre. J'ai plus comment faire, obligé de se battre pour survivre. J'ai la plume en manque d'inspi, j'ai un regard triste, un cœur blessé. Et c'est dans l'alcool que je l'attise. 21 ans, c'est dans le rap que je cherche de l'aide. À travers mes lignes que je respire et reprends de l'air. Moi j'ai mes principes, je fais pas ça pour le fric. C'est par amour de la zik, je m'investis zinc. Au début c'était pour le délire, mais avec le temps la rage a pris place au rire avec le temps. C'est dans le son que je me suis mis à fond. Sans regarder autour de moi mes textes ont pris fort. Je vais pas t'inventer un vécu pour que mes y plaisent. Je vais pas faire le dur pour qu'on me tisse un balèze. Je reste moi-même, je des HLM. Avec comme seule idée en tête de parler des gens que j'aime. Je ne suis pas ce que tu crois, je suis bien pire que ça. Un jeune de 20 piges qui exprime son désarroi. Un stylo, une feuille, voilà de quoi bouger quelques têtes. Des rimes, un flow, voilà de quoi faire danser les caisses claires. Je ne suis pas ce que tu crois, je suis bien pire que ça. Un jeune de 20 piges qui exprime son désarroi. Appelle-moi m'amène sur ça. Un jeune intensif, on dégage tout ce qu'on a. C'est du nocif. Je ne suis pas ce que tu crois, je suis bien pire que ça. Un jeune de 20 piges qui exprime son désarroi. Un stylo, une feuille, voilà de quoi bouger quelques têtes. Des rimes, un flow, voilà de quoi faire danser les caisses claires. Je ne suis pas ce que tu crois, je suis bien pire que ça. Un jeune de 20 piges qui exprime son désarroi. Appelle-moi m'amène sur ça. Un jeune intensif, on dégage tout ce qu'on a. C'est du nocif. Un stylo, une feuille, voilà de quoi faire bouger quelques têtes. M'amène sur ça, nocif. Ok, 2008.